إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله. Aujourd'hui, le dimanche 28 ذو القعدة de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 19 juillet 2020. Je suis très heureux de vous retrouver afin de parler de ces jours à venir, les jours du mois sacré Dhul-Hijja. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé énormément de ses bienfaits à cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré que la durée de vie moyenne dans cette umma est beaucoup plus courte que les communautés précédentes, Allah subhanahu wa ta'ala a mis de la baraka dans leur vie et leur a accordé des saisons dans lesquelles ils peuvent avoir des récompenses immenses en faisant très peu d'œuvres. Et parmi ces périodes bénies dans lesquelles les œuvres pieuses ont un mérite très particulier dans toute l'année, c'est les 10 premiers jours du mois sacré de Dhul-Hijja. Et les textes qui montrent le mérite de ce mois, de manière générale, et les premiers jours de ce mois, sont très nombreux. Le Nabi عليه الصلاة والسلام a dit, comme dans le hadith Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Donc dans ce hadith, le Nabi عليه الصلاة والسلام a dit: il n'y a pas des jours dans lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées à Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours. Et il voulait les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Les compagnons ont dit: même pas le jihad dans le sentier d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah. Car les compagnons radiallahu anhum connaissent le grand mérite du combat dans le sentier d'Allah. Et ils ont compris de la parole du prophète alayhi salam que c'était une généralité de laquelle rien n'est exclu. Il n'y a pas des jours. Et ça c'est ayyam. C'est nakira fi siyaq an-nafi. Donc c'est un mot indéterminé dans un contexte de négation, ça donne une signification générale. Tufid al-umum. C'est pour ça ils ont dit même pas le combat dans le sentier d'Allah, au messager d'Allah, il a dit même pas le combat dans le sentier d'Allah. Excepté Et le Nabi Isa alayhi salam n'a fait exception que d'une seule chose. Excepté un homme qui sort avec sa personne et ses biens, il ne revient de rien de tout cela. Le Nabi Isa alayhi salam n'a fait exception que d'une seule catégorie de combat dans le sentier d'Allah, qui est la plus aimée par Allah et la meilleure de manière absolue. C'est le cas d'un homme qui sort pour faire triompher la religion d'Allah et pour que la parole d'Allah soit la plus haute et qui se conforme à sa législation dans son combat. Parce que comme vous savez, dans toute adoration, et le combat dans le sentier d'Allah, c'est une adoration. Dans toute adoration, il faut les deux conditions d'acceptation. La sincérité et le suivi du messager. Ça ne suffit pas d'être sincère. C'est pour ça, ceux qui sont leurrés malheureusement et qui combattent sous des bannières non légiférées, tels que ceux qui combattent avec Daesh et Al-Qaïda et Nusra, et les sectes égarées telles que celles-là, ils n'ont pas la deuxième condition, même si on suppose qu'ils sont sincères. C'est pour ça, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand il lui disait, un tel, il combat dans le son, pour que la parole d'Allah soit la plus haute, il disait, regarde, est-ce qu'il combat conformément à une sunna ou pas? Et ça, c'est la compréhension de Sahaba, radiyallahu anhum. Donc, Nabi Isa salam, dans ce hadith, n'a fait exception que d'une seule catégorie de combat dans le sentier d'Allah, qui est la meilleure et la plus aimée par Allah, c'est le cas de cet homme qui sort avec sa personne et ses biens, son arme et son cheval, ou sa monture, il ne revient de rien de tout cela. Et dans un autre hadith, également authentique, rapporté par l'imam Ahmad, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma min ayyamin أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Il n'y a pas des jours auprès d'Allah qui ont un rang plus immense et plus grand et dans lesquels les œuvres sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours. Les œuvres pieuses. L'œuvre pieuse, c'est l'œuvre qui est faite sincèrement pour Allah, conformément à la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le Nabi alayhi wa sallam a dit, dans la fin du hadith, alors multipliez dedans la parole la ilaha illallah et la parole Allahu akbar et la parole alhamdulillah. Dans un autre hadith également authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, rapporté par Al-Bazzar ibn Hibban, selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit « Afdalu ayyami d-dunya al-ashr. Qila wala mithluhunna fi sabilillah. Qala wala mithluhunna fi sabilillah. Illa rajulun uffira wajhuhu bit-turab. » Il n'y a pas des jours, yani les jours les plus méritoires de cette dunya, ce sont les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Ils ont dit même pas leur équivalente en journée, ni même pas leur équivalent en jour dans le sentier d'Allah. Il a dit même pas leur équivalent dans le sentier d'Allah. Excepté un homme, illa rajulun uffira wajhuhu bit-turab. Al-afar, c'est la terre. Et uffira, c'est-à-dire que son visage est vautré par terre, est traîné par terre, roulé dans la terre, excepté cet homme-là, c'est-à-dire qui est tué dans le sentier d'Allah et il ne revient avec rien. il ne revient avec rien. C'est la même signification que le premier hadith que j'ai cité. Donc, ces hadiths nous montrent clairement le mérite de ces jours d'une manière très explicite. Et on tire beaucoup de fawa'id. Parmi ces fawa'id, c'est que les œuvres pieuses qui ont réuni les deux conditions d'acceptation, la sincérité et le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres pieuses dans ces jours-là sont meilleures que le jihad, fi sabilillah, que le combat dans le sentier d'Allah, excepté cette forme de jihad qu'on a vue. Et vous savez que dans d'autres hadiths, Nabi alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de ne pas au minimum mettre l'intention de combattre dans le sentier d'Allah. Comme hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel Nabi alayhi wa sallam a dit « Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsah, mata ala shu'batin min an-nifaq. » Celui qui décède sans être sorti dans le sentier d'Allah, yani pour combattre dans le sentier d'Allah, et qui n'a même pas eu l'intention de sortir dans le sentier d'Allah pour combattre, il meurt avec une branche de l'hypocrisie, rapportée par Abu Huraira radiallahu anhu dans l'authentique de l'imam Muslim. Dans un autre hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yaghzu aw yujahhiz ghaziya aw yakhluf ghaziyan afi ahlihi bi khayr asabahu Allah subhanahu bi qari'atin qabla yawm al-qiyamah. » Donc, dans un autre hadith qui a été jugé hasan par l'imam al-Albani, selon Abu Umam al-Bahili, radiyallahu anhu, il a dit que le prophète a dit, celui qui ne sort pas dans le sentier d'Allah pour combattre et qui n'équipe pas un combattant dans le sentier d'Allah et qui ne veille pas sur la famille de quelqu'un qui est sorti combattre dans le sentier d'Allah. Donc c'est trois choses. Il sort lui-même, il équipe quelqu'un qui sort dans le sentier d'Allah, ou au moins il veille sur sa famille derrière lui, après lui. Celui qui n'a aucune de ces trois-là, Nabi alayhi sallam a dit « Asabahu Allah subhanahu biqari'atin qabla yawmi al-qiyamah » Allah le touchera avec une catastrophe avant l'arrivée de la fin des temps, avant le jour de la résurrection. Al-qari'a hiya ad-dahiyatu al-muhlika. C'est la catastrophe et la chose qui peut être une cause de perdition. Wal-iyadhu billah. C'est pour ça, c'est important pour le mu'min de vouloir, au minimum, quand il n'y a pas l'occasion, de vouloir participer dans le combat dans le sentier d'Allah. Et de mettre au moins l'intention. De mettre au minimum l'intention. Et donc là, on a bien vu que dans ces hadiths, que les œuvres dans ces jours-là sont meilleures que le combat dans le sentier d'Allah. À part cette catégorie-là qu'on a vue. Donc si on est véridique dans notre envie de combattre dans le sentier d'Allah, voilà une opportunité qui se présente à nous dans laquelle on aura un mérite supérieur à celui qui sort dans le sentier d'Allah. Alors montrons à Allah du bien de nous et montrons-lui notre sincérité et notre véracité. Et redoublant d'efforts pendant ces jours-là et multipliant les bonnes œuvres pendant ces jours-là. Et on va voir les œuvres qui sont recommandées pendant ces jours. Allah Azza wa Jal dans le Coran a juré par ces 10 jours du mois. La plupart de ce que je vais dire, j'ai oublié de le mentionner, est tiré de l'Hafid Ibn Rajab dans son livre Lataif al-Ma'arif. C'est un livre précieux, c'est un trésor. Il n'y a pas un événement qui passe dans l'année sans que Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, ce grand imam dans la Sunna, sans qu'il ne fasse pas des chapitres à son sujet avec les textes qui ont été rapportés à ce sujet-là. C'est pour ça, certains de nos chouyours, ils disaient que ce livre, ça fait partie des livres que Talib al-Ilm doit avoir en lui en permanence, qu'il soit résident ou voyageur. Il ne doit jamais le quitter, ce livre-là. Car dedans, Ibn Rajab rahimahullah parle des différents événements sur l'année, répartis selon les mois dans le calendrier de l'Hégire. Je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ses jours, les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et ça indique le rang élevé et le mérite de ces jours-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, il jure parce qu'il veut de ses créatures. Par contre, la créature, elle ne jure que par son créateur. Et quand Allah jure par une chose, c'est pour montrer son mérite. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit « وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ » Il a juré par l'aube et par les 10 nuits. Les 10 nuits, chez la plupart des savants, parmi Salaf et même les savants contemporains, comme a dit l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, c'est les 10 premiers jours, c'est les nuits des 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et c'est ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, et c'est ça ce qui est authentique de lui, comme a dit Ibn Kathir rahimahullah toujours dans son tafsir. Donc Allah a dit « Wal-Fajri » par l'aube, « Wal-Layalin Ashr » par les nuits, par les 10 nuits, « Wal-Shaf'i Wal-Watr » par le père et l'impair. Le père, ils ont dit c'est le jour 10 du mois Dhul-Hijja, c'est le jour de l'Eid. Et le 9, ils ont dit, c'est le jour de Arafah. Ou l'inverse. En tout cas, il y a plusieurs avis, comme a dit Ibn Rajab, rahimahullah, au sujet de l'explication de ce que c'est Al-Shafa et Al-Watr. Mais tous ces avis, dans leur ensemble et dans leur majorité, ça implique des jours dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Car comme vous savez, le 9, c'est le jour de Arafah. Et le 10, c'est le jour de l'Eid. Ça a été rapporté de l'Hassan al-Basri, comme l'a cité l'imam Ibn Rajab, rahimahullah. Ça a été rapporté de lui, selon Anas ibn Malik, que Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a dit... Il disait que pendant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, chaque jour est équivalent dans le mérite à 1000 jours. Et que le jour de Arafah est équivalent à 10 000 jours. Ça, c'est une parole qui a été rapportée de Hassan al-Basri. Il l'a rapportée de Anas ibn Malik, le compagnon radiallahu anhu. Et il a cité beaucoup de paroles de salaf par rapport au mérite de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Également, parmi les choses qui montrent le mérite et le statut élevé de ces jours-là, c'est que Allah Azza wa Jal, yani, les a cités également dans un autre passage dans le Coran. Les 10 jours de Dhul-Hijja, ce sont les jours déterminés qui sont cités dans Surat Al-Hajj. Allah Azza wa Jalla dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et pour qu'il invoque en des jours déterminés. Les jours déterminés, la plupart des savants ont dit que ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Parmi les compagnons qui ont cet avis, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhumah. Et pour qu'ils invoquent en des jours déterminés le nom d'Allah sur ce qu'il leur a dispensé comme bétail. Également, parmi les choses qui montrent le mérite de ces jours-là, c'est que un Nabi alayhi salatu wa salam a dit qu'ils sont les meilleurs jours de cette dunya, de ce bas monde. Et ça, on l'a vu dans le hadith qui a précédé. Nabi alayhi salatu wa salam a dit les meilleurs, les jours les plus méritoires de ce bas monde, ce sont les 10. Ils ont dit même pas leur équivalent en jour dans le sentier d'Allah. Il a dit même pas leur équivalent en jour dans le sentier d'Allah, excepté un homme dont le visage est vautré par terre, roulé dans la terre. Yani, il est tué dans le sentier d'Allah. Également, parmi les choses qui montrent le grand mérite de ces jours-là, c'est qu'ils contiennent le jour de Arafah. Et si ces jours-là n'avaient comme mérite que celui-là, ça aurait suffi. Comme vous savez, le jour de Arafah, c'est, dans un avis des hommes de science, c'est le meilleur jour dans l'année. C'est le meilleur jour dans l'année. Et c'est le jour dans lequel Allah Azzawajal pardonne à ses serviteurs. Et le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala affranchit des gens du feu de l'enfer. Il leur accorde le paradis. Et c'est le jour et le seul jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel du bas monde comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et il pardonne à ses serviteurs et il les vante auprès des anges. Et Iblis n'a jamais, yani c'est le seul jour dans lequel Allah descend dans le ciel du bas monde en journée, dans toute l'année. Il n'y a qu'un jour, c'est le jour de Arafah. Et également, comme c'est rapporté dans un hadith, Iblis n'a jamais été vu aussi humilié et aussi petit et aussi rabaissé que dans ce jour-là, le jour de Arafah. Tellement il voit la miséricorde d'Allah qui descend et son pardon à ses serviteurs et son expiation. Subhanahu wa ta'ala. Donc s'il n'y avait que mérite de ces 10 jours de Araf, de Dhul-Hijjah, que le mérite qui est lié à Arafah, ça aurait suffi. Alors que dire que ces jours-là contiennent également le jour de l'Eid, qu'on appelle Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. Et le jour du sacrifice, pour beaucoup de savants, Wallahu a'lam, c'est la vie juste. C'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah également. C'est le meilleur jour dans l'année. C'est le jour de l'Hajj al-Akbar. Le grand pèlerinage. Parce que la plupart des actes du pèlerinage se déroulent ce jour-là. Le jour 10 du mois de l'Hijjah. Qui est le jour de l'Eid. Également. Le Nabi alayhi salam a dit dans un hadith qui a été authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah. A'azamu l'ayyami inda Allahi. يوم النحر ثم يوم القر. Nabi alayhi salam a dit dans ce hadith que le meilleur des jours auprès d'Allah, c'est le jour de Nahr, du sacrifice, le jour 10 du mois Dhul-Hijjah, et ensuite le jour de l'Qar. Le jour de l'Qar, c'est le jour 11 du mois Dhul-Hijjah, dans lequel les gens restent à Mina. Également, parmi les choses également qui montrent le mérite de ce jour-là, c'est que ce sont des jours dans lesquels se réunissent toutes les grandes adorations de l'islam. Et ça, c'est spécifique à ces jours-là. Parce qu'il y a une adoration qui représente un pilier de l'islam qui ne peut avoir lieu que dans ces jours-là, dans toute l'année. Une fois dans l'année. Ça fait partie des adorations annuelles. C'est l'adoration de l'Hajj. L'Hajj se déroule uniquement pendant ces jours-là. Donc, ce sont des jours dans lesquels se réunissent les plus grandes des adorations de l'islam. Et parmi ces adorations, comme j'ai dit, le pèlerinage, également ceux qui font l'umra, la salat, la zakat, le dhikr, le jeûne, et ainsi de suite. Comme a dit l'Hafid ibn Hajar dans Fath al-Bari, il a dit, ce qui est apparent, c'est que la cause pour laquelle ces jours-là ont ce mérite immense, c'est que dedans se réunissent les grandes adorations. C'est-à-dire les grandes adorations de l'islam. Le jeûne, la salat, l'aumône, zakat, le hajj, le pèlerinage. Et ceci ne peut, et toutes ces adorations ne peuvent se réunir que dans cette période-là. Comme je vous ai cité, le pèlerinage ne peut avoir lieu que dans cette période-là. Voilà quelques points qui montrent le mérite de ces jours-là. Maintenant, nous allons passer aux différentes adorations qui peuvent être accomplies pendant ces jours-là. Tout d'abord, yani la plupart des adorations qu'on va voir, c'est des adorations que le serviteur fait tout le temps. Mais les mentionner ici, c'est pour montrer leur importance. C'est pour montrer leur importance. Parmi les adorations les plus importantes avec lesquelles tu dois accueillir ces jours-là, c'est l'adoration du repentir et du délaissement des péchés. Le serviteur doit commencer ces jours-là avec un repentir sincère. Il délaisse tous les péchés, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant sa satisfaction. Et il regrette ses péchés passés. Il les délaisse, il met l'intention ferme qu'il ne retombera jamais dans ces péchés-là. Qu'il ne retombera plus jamais dans ces péchés-là. Et si c'est des péchés qui sont vis-à-vis des créatures, faut qu'il leur demande le pardon. Et s'il a des droits à eux, il faut qu'il leur rende leurs droits. Si tu as des biens ou de l'argent ou des choses appartenant à une personne, tu dois lui rendre. Et ça, que ce soit vis-à-vis d'un musulman ou d'un kafir. Donc ça, c'est la première chose avec laquelle on doit commencer cette période bénie. Un repentir sincère de tous nos péchés et de délaisser tous les péchés. Et ensuite, parmi les choses importantes dans ces jours-là, c'est de mettre l'intention ferme de vouloir exploiter ces jours et de tirer profit au maximum et de redoubler d'efforts pendant ces jours-là. Déjà, commence avec l'intention et fais dua et demande à Allah l'aide. Car il n'y a rien de facile que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Il n'y a rien de facile. Seulement ce que Allah a rendu facile. Donc, commence par mettre une intention, une bonne intention, avec une fermeté, une détermination, et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Et la première chose, c'est dua. Invoque Allah de t'aider. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, ça c'est Tawhid, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide, et nous demandons l'aide. Tu dois adorer Allah et tu ne peux l'adorer seul qu'avec son aide. C'est ça, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Je t'adore, ô Allah, seul, et je m'écrois en tout ce qui est adoré en dehors de toi, et je ne peux t'adorer qu'avec ton aide. Ça, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Tu te désavoues de ta force et de ta puissance, et tu remets toute ton affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en faisant les causes pour y arriver. Et parmi les causes les plus importantes, c'est celle-là, cette dua, qu'on a tendance à négliger. Alors que c'est l'adoration la plus méritoire et la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car ça contient tawhid, ça contient beaucoup de choses, dua. Ensuite, par rapport aux œuvres qu'on pratique pendant cette période bénie, il y a des œuvres pieuses qu'on fait de manière générale. Donc, ces œuvres-là, elles ont un mérite supplémentaire et un plus grand mérite pendant ces jours-là. Et leur mérite, il est supérieur au mérite du combat dans le sentier d'Allah. Mais après, il y a d'autres adorations qui sont spécifiques à ces jours-là et qui ne peuvent être accomplies que pendant ces jours-là ou par rapport auxquels il y a des textes spécifiques pendant ces jours-là. Donc, bien évidemment, ces adorations sont encore beaucoup plus méritoires que la catégorie que j'ai citée précédemment. Donc, si je veux l'exprimer autrement, dans ces jours-là, on fait toutes les œuvres pieuses. Toutes les œuvres légiférées, on les fait. Et toutes, elles sont méritoires, et très méritoires, et plus méritoires que, le combat dans le sentier d'Allah. Mais, on marque des adorations, et on met l'accent sur des adorations qui sont spécifiques à ces jours-là. Et sur lesquelles il y a des textes par rapport à les accomplir pendant ces jours-là. Les adorations qui sont spécifiques à ces jours-là, on a le pèlerinage. Le pèlerinage, comme on a vu, qui ne peut se dérouler que pendant ces jours-là. Et on a également at-takbir, at-tahmid, at-tasbih, at-tahlil, de faire dhikr pendant ces jours-là. De dire la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. De dire aussi les formules qui sont rapportées selon des compagnons radiallahu anhum. Allahu akbar, la ilaha illallah, allahu akbar, wa lillahi alhamd. Et ça, on le fait à haute voix. Et on va en parler de ce dhikr d'une manière plus détaillée. Le pèlerinage, on va pas s'y attarder malgré que c'est une adoration spécifique à ces jours-là, et extrêmement méritoire pendant cette période, et c'est parmi les meilleures choses qu'on puisse faire dans cette période-là. C'est pour ça que quelqu'un qui fait le pèlerinage, il va remplir ses jours avec son pèlerinage. En général, il arrive avec une umrah, et quand il finit l'umrah, il continue les adorations jusqu'au 8 de l'Hijja, il commence son pèlerinage, et il le termine le 13 ou le 12 pour celui qui se hâte à quitter Mina et qui veut sortir plus tôt. Sinon, il reste jusqu'au 13. Donc, il aura rempli cette période avec l'adoration de l'Hajj. Et ça, c'est parmi les meilleures choses qu'on puisse faire dans cette période. Bien évidemment, quand c'est l'Hajj, il est fait avec ses conditions. Ça, c'est comme dans toute chose. Quelqu'un qui invoque Allah beaucoup dans son Hajj et qui exploite toutes les minutes et toutes les heures de son pèlerinage dans les adorations et qui fait tout ça sincèrement pour Allah en voulant sa satisfaction et qui le fait avec de l'argent halal et ainsi de suite. Yani, ça, c'est parmi les meilleures choses qu'on puisse faire dans cette période. Également, dhikr, comme j'ai dit, mais on va y revenir d'une manière plus détaillée, car il y a pas mal de points à citer par rapport à dhikr. Également, parmi les adorations qui sont très très méritoires dans l'islam, de manière générale, et encore plus pendant cette période-là, c'est l'adoration de salat. As-salat. Salat, c'est parmi les plus grandes adorations de l'islam. La meilleure des adorations des membres, c'est la prière, salat. Et c'est pour ça que pour les hommes, pendant cette période, de pratiquer leur salawat en groupe, dans la mosquée, avec le groupe des muslimines, pour ceux pour qui c'est possible. Pour ceux qui ne peuvent pas à cause de la maladie et de cette pandémie qui est répandue sur terre, je demande à Allah de la lever sur tous les pays de l'islam. Donc ceux qui ne peuvent pas, si avant l'arrivée de cette maladie, ils veillaient à pratiquer leur salawat en groupe, la récompense continue, comme s'ils prient en groupe jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est parmi les meilleures des adorations, c'est pratiquer salawat obligatoire en groupe et de multiplier les prières surrogatoires également. Donc de faire les prières obligatoires en groupe et de multiplier les prières surrogatoires. Car Nabi Aïssa sallam a dit dans Hadith al-Wali, Hadith que les savants appellent Hadith al-Wali, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les adorations surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Mais la meilleure chose avec laquelle tu te rapproches d'Allah, c'est les adorations obligatoires d'abord. Et ensuite, les surrogatoires qui sont une cause de l'amour d'Allah. Si tu veux qu'Allah t'aime, multiplie les adorations surrogatoires. Et surtout pendant cette période où toute adoration est beaucoup plus méritoire qu'en dehors de ces jours-là. Et les savants, ils ont parlé d'un point, est-ce que ce mérite il est valable pour les journées ou pour les nuits également, ou c'est spécifique aux jours? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a donné un détail qui semble réunir tous les dalils et qui semble être la bonne compréhension, Allahu a'lam. C'est que les 10 jours de l'Hijjah sont les 10 jours dans lesquels les œuvres sont les plus aimées, les plus méritoires auprès d'Allah. Les plus aimées par Allah et les plus méritoires auprès de lui. Les jours. Et les nuits également, elles ont un grand mérite. Mais malgré ce mérite qu'elles ont les nuits des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures. Car elles contiennent la nuit du destin, Laylat al-Qadr, dans laquelle l'œuvre est meilleure que l'œuvre dans 1000 mois. Khayrun min alfi shahr. Et c'est aussi la compréhension qu'a donné Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait une œuvre pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il fait la même pendant les journées de Ramadan, les 10 dernières journées de Ramadan, dans Dhul-Hijjah, et cette œuvre est meilleure que dans les 10 derniers jours de Ramadan. Mais dans les nuits, Ramadan est meilleur. Donc ça, c'est par rapport à Salat. Également, l'accomplissement du pèlerinage pour celui qui a la possibilité d'accomplir le pèlerinage et d'accomplir le Umrah pendant cette période, c'est une des meilleures œuvres. Et de toute façon, le pèlerinage ne peut se dérouler que dans cette période. Également, le jeûne. Le jeûne est recommandé pendant ces jours-là. Il y a une divergence entre les savants sur l'authenticité d'un hadith dans lequel, rapporté selon notre mère Hafsa radiallahu anha, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne délaissait pas le jeûne de quatre choses. Le jour de Ashura et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et 3 jours de chaque mois et 2 rak'at de Duha. Il ne délaissait pas 4 choses. Il les faisait avec une constance tout le temps. Ces 4 choses sont le jeûne du jour de Ashura, et ça, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres dalils qui l'indiquent. Le jeûne de 3 jours de chaque mois, ça également. La prière de Duha, à ce sujet également, il y a une divergence. Mais sinon, il y a d'autres dalils qui montrent le mérite de la prière de Duha. Et que faire 2 unités de prière est égal au remerciement surrogatoire dans une journée. 360 bonnes actions. Celui qui prie 2 unités de prière uniquement, de Duha. Et le jeûne des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc ce hadith, il y a une divergence entre les hommes de science parce qu'il y a un autre hadith, selon notre mère Aïcha radiallahu anha, qui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne jeûnait pas pendant ces jours-là. Pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Par rapport au jour de Arafah, il n'y a pas de divergence. Que c'est une sunna très recommandée de le jeûner. Mais par rapport au jeûne du reste des 10 jours de Dhul Hijjah, quand on dit les 10 jours de Dhul Hijjah, on veut dire les 9 premiers. Parce qu'il est interdit de jeûner le jour de l'Eid, bien évidemment. Et le 11, 12, 13, ce sont également des jours de l'Eid. C'est interdit de le jeûner. Mais quand on dit, et quand les savants disent les 10 jours de Dhul Hijjah, ils veulent dire les 9 premiers jours. Donc, même si on suppose que ce hadith est faible et qu'on ne le prend pas en considération, le jeûne fait partie des meilleures œuvres qu'on puisse faire dans ces jours bénis. Parce que le Nabi a incité à faire et à multiplier les œuvres pieuses. Et parmi les œuvres pieuses les plus aimées par Allah, au point où c'est Allah seul qui connaît leur récompense, tellement le serviteur arrive à une grande sincérité dans cette œuvre, c'est l'adoration du jeûne. Donc le jeûne est légiféré de toute façon dans ces jours-là. Qui est un dalil général qu'on a, authentique, ou yani, qui est un dalil spécifique ou pas. Parce qu'il y a un dalil général dans lequel rentre le jeûne. Et personne ne doit discuter la législation du jeûne pendant ces jours-là, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Car tous les savants sont d'accord que le jeûne fait partie des meilleures œuvres qu'on puisse faire dans ces jours-là. Même ceux qui disent que le hadith est faible. Et surtout le 9 Dhul Hijjah, qui est le jour de Arafah. Ce jour-là, son jeûne a un mérite très particulier qui a été mentionné dans un hadith rapporté par l'imam muslim selon Abi Qatada al-Ansari radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah wa as-sanata allati ba'dah. » Le jeûne du jour de Arafah, j'espère d'Allah comme récompense, et quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ahtasibu, yani ça sera comme ça. C'est ça sa récompense. Donc sa récompense c'est quoi? C'est l'expiation des péchés de l'année passée et de l'année suivante. Une année avant ce jour, une année après lui. Donc le jeûne du jour de Arafah permet avec la grâce d'Allah l'expiation de 2 ans de petits péchés. Car toutes les expiations dans l'islam, ce sont des expiations des petits péchés. Le grand péché, tu dois faire un repentir. C'est pour ça la première chose avec laquelle tu commences, c'est un repentir de tous tes péchés. Comme ça, tu vas profiter pleinement de toutes ces vertus et de tous ces mérites. D'où l'importance de Tawba. Tawba, l'adoration d'une vie. Le Nabi Isa Salam, qui a atteint le degré qu'on connaît tous auprès d'Allah, il se repentait à Allah et il lui demandait son pardon une centaine de fois par jour que Sahaba entend de lui. Sans compter ce qu'il fait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une version 70, dans une autre 100. Alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est par rapport au jeûne du jour de Arafah. Et celui qui peut jeûner les 9 jours, c'est meilleur pour lui. Au moins, il aura déjà cette bonne action, et à côté d'elle, il pourra faire d'autres bonnes actions, comme on a vu, salat, et d'autres bonnes actions, yani, telles que l'adhkar, la récitation du Coran avec méditation, l'apprentissage, l'ilm. L'ilm parmi les meilleures adorations que tu puisses faire dans ta vie. Demander la science, mémoriser le Coran, réciter le Coran, lire tafsir, et ainsi de suite. Les adorations sont très nombreuses, mais il aura une base déjà de jeûne. Cette adoration, ce sera un acquis pour lui. Donc, il jeûne ses 9 jours d'affilée, ce sera une facilité pour lui. Et le jour de l'Eid, le jeûne est interdit. Le jour de l'Eid, le jeûne est interdit. Également, parmi les adorations très très méritoires, l'adoration de dhikr, l'évocation d'Allah, le rappel d'Allah. Ça, c'est parmi les plus grandes adorations dans l'islam. Et c'est une adoration, comme je le dis souvent, c'est une adoration qui te permet de voir ton niveau de foi et de mesurer ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et ta proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois que ta langue va dans dhikr facilement et aisément, alors réjouis-toi et demande à Allah de te raffermir et de t'augmenter. Car son bienfait et son mérite n'a pas de fin, subhanahu wa ta'ala. Mais réjouis-toi de cette ni'ma. Et si tu l'as pas, ça c'est l'occasion pour commencer. Et Inch'Allah, qu'on sera tous déterminés à commencer avec ces jours-là, de prendre un bon rythme dans notre vie et de renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le dhikr. Le dhikr, c'est une adoration que tu peux faire partout. T'as pas besoin de te mettre à un endroit ou d'être avec un groupe. Dès que tu marches, tu peux dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu peux dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu peux réciter le Coran que tu mémorises. Tu peux réviser le Coran que tu mémorises. Et malgré ça, tu trouves qu'on est très faible à ce niveau-là. Mais quand il s'agit de parler de dunya, quand on se retrouve entre frères et entre sœurs, on peut parler pendant des heures et on ne se fatigue pas. Parce que la langue, ils disent, c'est un muscle qui ne se fatigue pas. Tu peux parler pendant des heures. Mais subhanallah, quand il s'agit de faire dhikr, on se fatigue rapidement. Et ça, c'est un signe de notre faiblesse de foi. C'est pour ça ce sahabi qui a demandé au prophète de lui indiquer une seule adoration. Une adoration. Après les obligations, bien évidemment, à laquelle il s'attache. Il lui a dit, « La yazalu lisanuka ratbun, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, ou kama qala alayhi salatu wassalam. » Que ta langue ne cesse d'être humide avec l'évocation et le rappel d'Allah. Et subhanallah, comme les savants l'ont mentionné par rapport à ce hadith, le dhikr, c'est une adoration qui te rend souple dans les autres adorations. Tu veux qu'Allah te facilite les autres adorations dans lesquelles tu as beaucoup de mal, alors fais beaucoup de dhikr et tu verras la facilité. Et cette faïda a été tirée de ce hadith. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Donc, dhikr, comme ceci a été rapporté dans le hadith que j'ai cité précédemment, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité le mérite de ces jours-là, et que les œuvres pieuses pendant ces jours sont les plus aimées et les plus méritoires auprès d'Allah, il a dit, alors multipliez pendant ces jours-là, at-tahlil, c'est le fait de dire la ilaha illallah, et takbir, le fait de dire Allahu Akbar, ou Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, et tahmid, alhamdulillah. Avec une des formules, le mieux c'est de le dire avec une des formules qui sont rapportées authentiquement des compagnons, radiyallahu anhum. Et dhikr, comme les savants le mentionnent pendant ces jours-là, est de deux catégories. Le premier dhikr dans ces jours-là, il se fait à haute voix. Il se fait partout, dans les marchés, dans souq, dans les mosquées, dans ta maison, dans, quand tu marches dehors, dans, en conduisant ta voiture, partout que tu sois. Tu oses ta voix avec dhikr, comme faisaient les compagnons, radiyallahu anhum, tels que Abdullah ibn Umar et Abu Huraira, radiyallahu anhuma. Ils sortaient dans les marchés, ils faisaient dhikr, et pour rappeler aux gens cette adoration, qui est à notre époque oubliée, au point où quelqu'un qui pratique ça, il risque d'être regardé étrangement dans la rue par les gens, même dans les pays de l'islam. Et vous savez, quand le sunna est oublié par les gens et peu pratiqué, son mérite augmente. Et celui qui revivifie une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa récompense est immense auprès d'Allah. Donc, dhikr pendant ces jours-là est de deux catégories. Quand je dis se faire haute voix, yani, même pour la femme, mais pas d'or, dans des endroits où elle ne sera pas entendue par des hommes étrangers. Mais quand elle est dans son foyer, qu'est-ce qui l'empêche de dire « La ilaha illallah » et de faire entendre ça à ses enfants, à son mari, pour leur rappeler cette adoration? Mais en présence d'hommes étrangers, elle le fait à basse voix. Et avant de commencer à détailler, pour que je n'oublie pas, que dhikr dans l'islam, il n'y a pas un seul dhikr qui se fait en groupe. Faire dhikr en groupe, c'est une bid'a, c'est une innovation que sahaba n'ont pas fait. Et que les trois premières générations de cette communauté n'ont pas fait. C'est une innovation qui a été inventée par la suite. Il n'y a pas un seul dhikr qui se fait en groupe. Chacun, il fait dhikr de son côté. Et si jamais les voix, sans faire exprès, c'est comme s'ils faisaient ensemble, mais c'est pas volontaire, il n'y a pas de mal. Les savants disent qu'il n'y a pas de mal. Par exemple, quand tu sors dans le marché, tu dis « La ilaha illallah », les gens ils disent après toi « La ilaha illallah », mais ils n'ont pas l'intention de dire ensemble et de faire dhikr en groupe. Chacun l'a dit, et ça a coïncidé que c'était en même temps. Yani, il n'y a pas de mal en cela. Donc je disais que dhikr est de deux catégories. Un dhikr mutlaq et un dhikr muqayyad. Un dhikr qui se dit de manière absolue et un dhikr qui est lié aux prières obligatoires. Par rapport au premier, qui se dit d'une manière, yani, qui se dit tout le temps, de jour comme de nuit, il commence avec l'entrée avec le premier Dhul-Hijja. Avec le premier Dhul-Hijja. C'est-à-dire avec le coucher du soleil de ce premier jour. Vous savez que la nuit arrive avant le jour en islam. Donc, la nuit du samedi, c'est la nuit qui est entre le vendredi et le samedi. Donc, avec le coucher du soleil du premier jour de Dhul-Hijjah, ça devient légiféré de faire ce dhikr qui se fait tout le temps. Et de faire takbir, et de faire tahmid, et de faire tahlil, et d'utiliser les formules de préférence qui sont rapportées des compagnons radiallahu anhum. Mais sinon, n'importe quel takbir, n'importe quel tahmid, n'importe quel tahlil est valable. Et ce dhikr, il va continuer jusqu'au coucher du soleil du 13e jour de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire le 3e jour des jours de Tashriq. Le jour de l'Eid, c'est le 10. Le 11, le 12, le 13, ce sont les 3 jours de Tashriq. Et ce sont des jours de l'Eid également. Le jour de l'Eid de l'Adha, la fête du sacrifice, c'est 4 jours. Contrairement au Eid de Ramadan, Eid al-Fitr, c'est une seule journée. C'est une seule journée, c'est le premier Shawwal. Donc, ce dhikr, il va continuer jusqu'au coucher du soleil du 13e jour de Dhul-Hijjah. Il va durer donc 13 jours. Le dhikr qui est lié aux prières obligatoires, il commence après la prière de Subh du jour 9 de Dhul-Hijjah, le jour Arafah. Une fois qu'on a prié Subh, à partir de ce jour-là, on va, après chaque salat, quand on fait salam, on va dire, on va faire takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ou une autre formule qui est rapportée de Sahaba radiallahu anhum. Donc il commence après salat subh du jour Arafah. Et il continue jusqu'à salat al-Asr du 13e jour de l'Hijjah. Pourquoi les savants ont dit après salat al-Asr? Parce que salat al-Maghrib, ça sera le 14e jour. Donc il doit se terminer aussi avec le 13e jour. Mais la dernière salat qu'on prie dans le 13e jour, c'est salat al-Asr. Salat al-Asr. Et comme j'ai dit, les formules qui sont rapportées par rapport à ça sont nombreuses. Sinon, toutes les œuvres pieuses, en plus de celles que je viens de citer, Tawba, Al-Hajj, Al-Umra, Salat, Siyam, Sadaqa, Zakat, pour celui qui doit sortir Zakat, et Dhikr, ça c'est les adorations les plus importantes. Et donc Dhikr, bien évidemment, rentre le Coran, la récitation du Coran. Mais en dehors de ces adorations, toutes les adorations sont demandées. Ordonner le convenable, interdire le blâmable, et ainsi de suite, toutes les adorations. Prier la nuit, entretenir ses liens de parenté, visiter sa famille, passer salam, donner à manger aux pauvres, toutes les adorations sont demandées. Mais ces adorations que je viens de citer sont les plus importantes. Et bien évidemment, dans le domaine de salat, on l'a cité. Veillez déjà sur les prières surrogatoires liées aux prières obligatoires qu'on appelle rawatib et faire d'autres prières surrogatoires. Le point avec lequel on va terminer bi'idnillah, ça concerne l'udhiyah. Ça concerne l'udhiyah. Donc, pour celui qui a l'intention de sacrifier une bête pour le jour de l'Eid, celui qui a l'intention de sacrifier, celui-là, avec l'entrée du premier jour de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire avec le coucher du soleil de la nuit qui précède le premier Dhul-Hijjah, il devient interdit pour lui de couper ses ongles, de couper des poils, de raser les poils, les cheveux, et même de retirer la peau. Yani, de retirer, yani, un morceau de peau, là, des choses comme ça. Tout ça devient interdit pour lui. Que ce soit les ongles de sa main ou de son pied. Et également la peau dans tout son corps. Il ne retire rien d'une manière volontaire. Si c'est fait par oubli, par erreur ou par ignorance, il est excusé. Et il doit rester dans cet état jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Car il a été rapporté de Nabi alayhi salatu wa salam dans l'authentique de l'imam muslim, selon Ummu Salama radiallahu anha, elle a dit, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quand commencent les 10 jours de Dhul Hijjah, et que l'un d'entre vous veuille sacrifier une bête, qu'il ne touche plus à ses cheveux, ses poils, sa peau. Et dans une autre riwaya, toujours dans l'authentique de l'imam muslim, il y a marqué ses angles également. Donc cette interdiction, elle concerne celui qui souhaite sacrifier et qui a l'intention de sacrifier. Et celui qui souhaite sacrifier, c'est celui qui va, pas forcément celui qui va faire l'acte, qui va égorger le mouton, si c'est un mouton. Mais c'est celui à qui ça appartient. C'est celui à qui ça appartient. Sahibul Udhiya. C'est celui à qui ça appartient. C'est celui-là qui est concerné. Et non pas ceux qui vont, sur lesquels il va sacrifier cette bête. Par exemple, c'est le chef de famille en général qui va faire le sacrifice. Et ne sont pas concernés son épouse, ni ses enfants, ni tous ceux qui vivent avec lui. Il n'est concerné que lui, celui à qui ça appartient, cette bête qui sera sacrifiée. Même si c'est pas lui qui le fait directement, il peut charger une autre personne, l'autre personne, elle ne sera pas concernée. Parce que c'est une simple délégation pour tuer le mouton. Si c'est un mouton, ça peut être un chameau, une vache, ou une chèvre. Yani, un parmi les 4 catégories de bétail. Donc celui qui est concerné, notez-le bien, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de frères qui se posent cette question. Moi, c'est pas moi qui va tuer le mouton, est-ce que je suis concerné? Naam, t'es concerné, c'est un mouton. Par contre, tes enfants, ta femme, tout ça ne sont pas concernés. C'est uniquement la personne qui va sacrifier. Quelqu'un, lui, pense qu'il va pas sacrifier. D'après les moyens qu'il a, il a pas du tout la possibilité de faire le sacrifice. Celui-là, il n'est pas concerné. Imaginons, le 9, il y a quelqu'un qui se présente et lui dit, voilà, je te donne de quoi acheter un mouton. Il n'y a pas de mal pour les jours qui ont précédé. Mais à partir de cet instant, il arrête de toucher à ces choses-là. Quelqu'un, une autre question qui se pose beaucoup, il dit, c'est pas moi qui avais c'est quelqu'un qui m'a donné l'argent. Mais je vais acheter un mouton et je vais le sacrifier en mon nom. Est-ce que je rentre? Naam, tu rentres. Parce que c'est un mouton. On regarde pas celui qui l'a payé. On regarde le sacrifice sera fait au nom de qui? Quelqu'un d'autre, il te dit, quelqu'un m'a donné l'argent pour faire le sacrifice en son nom, mais c'est moi qui va prendre la viande et profiter de ce mouton. On lui dit, t'es pas concerné. Parce que celui qui est concerné, c'est au nom de qui sera fait le sacrifice. J'espère que c'était assez clair et assez détaillé. Et il doit rester dans cet état, ne pas toucher à ses ongles, ses poils, ses cheveux, sa peau, jusqu'à ce qu'il sacrifie sa bête. Et si jamais il le fait sans excuse valable, il le fait volontairement, c'est pas par oubli ou par erreur, et sans qu'il y ait une excuse valable, alors il faut qu'il sache qu'il est tombé dans un péché duquel il doit se repentir. Et il n'y a pas d'autres expiations que le repentir. Il doit se repentir à Allah. Parce qu'il a désobéi à Allah et à son messager. Et le sacrifice ne peut se faire qu'après Salat l'Eid, qu'après la prière de l'Eid. Une fois que l'imam a prié, à partir de cet instant, tu peux faire le sacrifice. Si jamais tu le fais avant, c'est pas valide. C'est une viande, c'est un mouton de viande. Tu profites de sa viande, mais t'as pas fait l'adoration. Et ça, ça me fait penser à un point qui est soulevé souvent par certains frères. Et ça, ça se pose surtout dans les pays. Yani où, mashallah, les gens, ils ont toujours eu de la viande. Dans les pays de l'islam, c'est rare où j'entends cette interrogation. Parce que les gens, dans leur majorité, ils mangent la viande que occasionnellement. C'est pour ça, quand c'est le mouton, c'est vraiment la fête. Ils mangent la viande comme ils veulent. Dans le reste des jours de l'année, peut-être qu'ils vont manger 250 grammes dans une grande famille de 10. L'odeur de la viande. Donc il y a des frères qui se posent souvent la question, il dit, moi, je n'aime pas la viande du mouton, ou je la mange pas du tout, ou il y a personne dans ma famille qui mange la viande de mouton, ma femme n'aime pas, moi j'aime pas, mes enfants n'aiment pas. Donc, est-ce que c'est pas meilleur pour nous, étant donné qu'on va pas manger cette viande, on l'aime pas, qu'au lieu de faire ce sacrifice, et de se fatiguer, et d'acheter un mouton, et de donner le prix du mouton en sadaqa. Ou d'acheter un mouton pour une autre personne, elle le sacrifie en son nom. Il faut savoir que celui qui se pose cette question, il n'a pas compris un point fondamental. C'est quoi l'adoration dans le sacrifice du mouton? C'est de manger sa viande. Ça, c'est autorisé. C'est une chose autorisée. Et c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est de couler le sang pour Allah. Ihraqu ad-dami lillahi azza wa jalla. C'est de couler le sang, c'est l'acte du sacrifice. Et de tuer cette bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'acte d'adoration. Que t'aimes, t'aimes pas, c'est une autre affaire. T'aimes pas la viande, t'as fait l'acte et t'as revivifié cette sunna et t'as pratiqué cette adoration et t'as permis de préserver cette adoration. Après, tu fais ce que tu veux de la viande. Tu l'aimes pas, tu la donnes fi sabilillah. Et ça sera meilleur pour toi dans la récompense que de donner le prix ou même plus de ce mouton en sadaqa. Au pire des cas, malgré que tu auras délaissé beaucoup de biens, au pire des cas, si tu donnes l'argent à quelqu'un, tu lui dis t'achètes un mouton et tu lui sacrifies en mon nom et tu gardes la viande pour toi. Mais meilleur pour toi, car c'est recommandé de faire l'acte du sacrifice soi-même ou en deuxième lieu d'être présent au sacrifice. D'assister à l'acte du sacrifice. Sinon, en troisième lieu, de déléguer à quelqu'un d'autre pour le faire en ton nom. Et comme ça, tu auras fait cette adoration. Et si donner le prix du mouton était meilleur, Nabi alayhi salam nous l'aurait montré. Et même il y a une année où il y avait une famine à l'époque du prophète alayhi salam. Et il leur a dit que celui qui a fait le sacrifice, qu'il ne garde pas la viande chez lui plus de 3 jours, afin qu'il donne le maximum en sadaqa. L'année suivante, il y avait plus de facilité. Ils ont dit au messager d'Allah, on fait de même comme l'année passée? Il a dit non. Mangez-y et gardez-y en stock si vous voulez. Gardez une quantité en réserve et en stock et donnez une partie également fi sabilillah. C'est pour ça, la sunna dans la bête que tu sacrifies, c'est de la partager en 3 parties. Et il n'y a pas quelque chose qui indique que ça doit être des parties égales. Une partie tu l'offres en cadeau, une partie tu l'offres en sadaqa, une partie tu la gardes pour toi et pour ta famille. Donc c'est meilleur de faire l'acte et de ne pas préférer, pour une raison ou pour une autre, de donner son prix en sadaqa ou de donner à quelqu'un qui fait le sacrifice en son nom. Au minimum, demande de lui s'il y a un pauvre, yani si tu as les moyens, paye-lui un mouton pour lui et toi fais le tien. Comme ça, lui, il a fait le sacrifice, toi, tu as fait le sacrifice. Mais au minimum, donne-lui, s'il n'a pas de quoi sacrifier, qu'il le sacrifie en ton nom. Comme ça, l'adoration, c'est toi qui l'as accompli et lui, il garde la viande. Donc, le mouton, c'est pas une question de viande. C'est pas parce qu'on mange pas beaucoup la viande ou parce qu'on aime la viande ou on n'aime pas la viande. Ça, c'est pas l'adoration. L'adoration, c'est l'acte du sacrifice en soi-même. Et un seul mouton ou une seule bête suffit pour toute une famille. Ceux qui vivent sous le même toit et qui mangent ensemble, il leur suffit d'acheter une seule bête, un mouton ou autre. Comme a dit Abu Ayyub radiallahu anhu, Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, quand il a été interrogé, comment les gens sacrifiaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et combien? Il a dit, l'homme sacrifiait un seul mouton pour lui et pour sa famille. Et il mangeait, il donnait à manger aux autres. Jusqu'à ce que les gens ont commencé à se vanter. Comme tu vois. Yani, après lui. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque famille faisait un seul sacrifice. Et ça suffit pour toute la famille. Ça, c'est une famille qui mange ensemble. Si on suppose que dans la maison, il y a les parents qui mangent à côté. Et il y a deux de leurs enfants, par exemple, mariés. Et chacun yani, prépare à manger de son côté. Là, non. Chacun, il fait son sacrifice. Mais pour une famille qui mange ensemble, ils font un sacrifice pour eux tous. Et ça, c'est ce qui est meilleur. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Mais quand les gens sont tombés dans l'avantardise et ils veulent se montrer, yani, ils ont commencé à faire plusieurs bêtes pour une seule famille. Et comme vous savez, yani, une personne, elle peut sacrifier un chameau, une vache, ou un mouton, une chèvre. Et la vache et le chameau, ça suffit pour 7 familles. Ça représente 7 sacrifices. Comme ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Pour le mouton, par rapport à son âge, la condition dans l'âge, faut au minimum qu'il ait 6 mois. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire, faut que ce soit un jada'a ou un jada'a. Yani, ça, c'est pour les ovins. Faut que ce soit un agneau au minimum de 6 mois. Sinon, c'est pas valable. En dessous, c'est pas valable. Il y a des savants qui voient que le minimum, c'est 1 an. Mais la plupart des savants voient que c'est 6 mois, c'est déjà valable. Car c'était une permission qui a été donnée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est authentique. Selon Uqba ibn Amir, radiallahu anhu. Pour le chameau, il faut qu'il ait 5 ans. La vache, 2 ans. Et la chèvre, 1 an, minimum. Et comme on a vu, on peut faire un chameau, une vache, ou un mouton, ou une chèvre. Et le meilleur dans l'ordre, comme l'ont dit le comité Lajnat Daima, comité permanent, et comme l'a dit également Cheikh Al-Uthaymeen et d'autres savants, le meilleur, c'est de faire un chameau pour une famille. Ensuite, c'est une vache pour une famille. Malgré que c'est valable pour cette famille. Mais celui qui fait un chameau pour une famille, ça c'est, il n'y a pas mieux. Ensuite, c'est une vache pour une famille. Ensuite, c'est un mouton pour une famille. Et ensuite, c'est une chèvre pour la famille. Ça, c'est l'ordre de préférence et de mérite dans la récompense. Ensuite, c'est le septième d'un chameau. Et ensuite, c'est le septième d'une vache. Quelqu'un peut se dire, si faire un chameau, c'est le meilleur, pourquoi Nabi Issa salam, il a fait un mouton? Le comité permanent des grands savants ont répondu à ce point. Ils ont dit que Nabi Issa salam, il peut faire ce qui est inférieur dans le mérite pour alléger sa communauté et pour ne pas leur imposer une chose qui puisse être contraignante pour eux. Car Nabi Issa salam, c'est notre exemple et notre modèle qu'on suit. Et si lui, il sacrifie un chameau, après les gens, ils vont vouloir faire ça. Et ça sera quelque chose de difficile, contrairement au mouton qui est plus accessible et plus facile. C'est pour ça que Nabi Issa salam, il a fait le mouton. Alayhi salatu wassalam. Dans la description de la bête qui sera sacrifiée, la meilleure des bêtes, c'est la bête qui contient le plus de viande, la plus engraissée, et aussi la plus belle dans son apparence, et la plus parfaite dans sa création. Donc vous avez constaté que il n'y a pas dit la plus chère. Car tu peux acheter quelque chose moins cher qu'un autre, mais avoir ses caractéristiques. Et c'est ça qui sera profitable pour toi et pour ceux avec qui tu partages également. Et il n'est pas autorisé de sacrifier quatre choses qui ont été mentionnées dans le hadith selon le Bara ibn Azib radiallahu anhu. Nabi Issa sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas autorisé dans le sacrifice des bétails la bête borne d'une manière claire et la bête malade dont la maladie est évidente également et la bête boiteuse et la bête qui est fracturée ou la qui a quelque chose de cassé et brisé. Et également la bête maigre, très maigre. Donc il faut que ce soit une bête yani, qui n'a pas un de ces défauts qui ont été cités. Concernant la prière de l'Eid, il est légiféré pour celui qui sort pour la prière de l'Eid, comme on a vu, de faire takbir. Et Nabi Issa salam, quand il sortait pour la prière de l'Eid, il marchait à pied. Il y allait à pied, au musalla. Et la sunna, c'est de faire la prière de l'Eid dans un musalla, et non pas dans une mosquée. Mais si c'est pas possible dans le musalla, alors ça reste autorisé dans la mosquée. Mais le mieux, c'est dans le musalla. C'est ça, sunna. Sauf s'il y a une excuse valable, telle que la pluie, ou le tonnerre, ou un vent fort, ou des choses comme ça. Et c'est recommandé également d'assister à la prière. Il y a des savants qui voient que c'est obligatoire. C'est une sunna très recommandée. Et c'est une obligation chez certains savants. Et d'assister également au discours de l'Eid. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il voit que la prière de l'Eid est une obligation. Comme Cheikh Al-Albani également, rahimahullah. Le Nabi alayhi salam également, quand il sortait pour l'Eid, il prenait un chemin à l'aller différent de celui du retour. Et ça, c'est une sunna. Et il souhaitait un bon Eid. Et c'est également recommandé de souhaiter un bon Eid pour le musulmin. Et de dire, par exemple, ce qui est rapporté des compagnons, de dire « Taqabbalallahu minna wa minkum ». Et si on rajoute quelque chose, il n'y a pas de mal. Ça aussi, c'est quelque chose de recommandé. Et Nabi alayhi salam le jour de l'Eid, de l'Adha, de la fête du sacrifice, il ne mangeait rien jusqu'à sacrifier sa bête. Et la première chose qu'il mangeait, il mangeait de sa bête. Il mangeait le foie. Alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est pour la fête de l'Eid al-Adha. Par contre, l'Eid al-Fitr, l'Eid de Ramadan, Nabi alayhi salam, il mangeait des dattes avant de sortir pour salat. Pour distinguer et différencier la journée du jeûne de la journée de l'Eid. Mais ici, il faisait l'inverse. Il attendait jusqu'à son retour de salat, et après la fin de l'khutba, il sacrifie sa bête, et après, il lui prépare une partie de cette bête qu'il mangeait. En premier, la première chose qu'il mangeait, c'est de cette bête-là qu'il a sacrifiée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de manière générale, le croyant se doit de savoir la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré l'Eid et le mérite de cette journée, et que ce soit une journée dans laquelle il va se rapprocher d'Allah davantage. Et non pas l'Eid, c'est une permission de commettre les péchés et de tomber dans les désobéissances telles que la mixité, la musique et les autres interdits. Voilà ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis de voir par rapport à ces 10 jours. Je demande à Allah de nous faciliter et de nous aider à les exploiter comme il aime, subhanahu wa ta'ala, et de nous accorder dans toutes nos adorations la sincérité et la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et avec le premier de ces jours, nous allons commencer l'explication de l'aqid al-wasitiyya de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qu'Allah nous le facilite et nous aide. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.